Chapitre 9e. Dans le train qui l'emmenait vers les montagnes à travers une Vénétie écrasée de chaleur, Boyne, indifférent au paysage et au but même de son voyage, ne faisait que ruminer l'histoire des petits Waters et leurs petites affaires. Il les avait quittés sur une impression de bonheur, envahi par la turbulence de cette marmaille intenable que seule l'énergie et l'ubiquité de l'institutrice parvenaient à empêcher de se jeter à l'eau la tête la première, ou d'escalader le grand mât, le yacht tout flambant neuf semblait avoir trouvé soudain une raison d'être. Clive Water, en casquette impeccable et complet de serge bleu marine, évoluait au milieu des siens comme un bon géant, et madame, plus jeune que jamais dans sa jupe de laine blanche, sa toison d'or au vent, prenait des poses maternelles. Boyne aurait voulu faire en partant un petit cadeau à Judith, de quoi la consoler de sa déconvenue sur le cadeau de Lady Ranch. Il n'avait pas eu le temps de choisir chez les antiquaires, et il n'eut au dernier moment à glisser dans la main de la jeune fille qu'une camelote de la merceria. Mais elle montra de cette surprise une joie enfantine, parce que c'était un cadeau de lui. Vraiment, la séparation lui avait été pénible, et maintenant, seul dans son coin de compartiment, il se demandait pourquoi il était parti. Et pourtant, il en avait plusieurs raisons, dont l'une, bien vieux jeu, était qu'il avait promis depuis des mois à Madame Sellers, de l'aller retrouver dans les Dolomites. Dans un monde qui ne sait plus trop ce qu'il a fait de l'exactitude et de la conscience, Boyne était resté ponctuel et consciencieux. Et puis, il s'était monté la tête pour se prouver que ce rendez-vous était la chose qui lui tenait le plus au cœur. Au fond de lui-même, il n'en était plus bien sûr, il avait des doutes. Il connaissait depuis quelques jours des objets aussi désirables. Il avait dû prendre sur lui pour s'obliger à quitter Venise. Il ne pouvait se cacher que son cœur était partagé. Mais il était d'un temps où l'on n'admettait pas que le monde ne fût pas quelque chose de stable, et que de tous les droits le plus sacré fut le droit au changement. Il avait besoin de croire que la femme de ses rêves était toujours la femme de ses rêves. Il s'attachait à cette pensée comme à une sorte de support moral. Rose Sellers était pour lui le pôle, le point fixe sur quoi son désir de permanence bâtissait depuis des années. Deux jours après, pas plus, c'était déjà si loin. Boyne, assis sur le balcon du chalet, en face du massif pourpre et argent de Cristallo, regardait toutes les pensées qui, ces derniers temps, l'avaient hanté, s'évanouir en fumée comme un flocon de brouillard qui s'évapore dans le bleu derrière les montagnes. Le changement d'air, peut-être, le fait de nager dans cet éther si pur, dont l'éclat ressemble à une fanfare de trompettes d'argent. Oui, tout le reste aussi, et cette miraculeuse résurrection de tout un passé, d'une vie qu'il avait crue morte. Comme c'était bien Rose Sellers, la vraie Rose, et non plus le souvenir délicatement momifié qu'il avait d'elle. Comme cela lui ressemblait d'avoir inventé ce chalet tout là-haut, au-dessus des grands hôtels, dans un endroit si bien caché, tête à tête avec les montagnes. Endroit sublime, se disait-il, et j'ai pu supposer qu'elle allait, fût-ce pour 3 semaines, consentir à être un numéro dans le couloir à tapis rouge d'un caravansérail. Le chalet était tout petit, juste assez pour elle et ses 2 domestiques. Si j'avais eu un coin de reste, je vous l'aurais donné de bon cœur, avait-elle ajouté. Mais c'était mieux ainsi. Oui, c'était un attrait de plus, un peu mystérieux, d'avoir à gravir une montée pour arriver jusqu'à son ami, à s'élever au-dessus de la morne foule de l'hôtel jusqu'à ce paradis de solitude verte, bruissante d'un frémissement de rigole dans les prairies, sous les ailes d'archanges des montagnes. « Cela vous plaît ?» lui demanda-t-elle le premier soir. Ils étaient sur le balcon parfumé de l'odeur des pins, et les grandes parois roses qui fermaient la vallée passaient lentement du ton de la flamme à celui de la cendre comme une chose consumée. « Ce qui me plaît surtout, c'est que ce pays vous ressemble. » Elle rit et tourna vers lui un regard tendre et ironique. Elle ressemblait plus que jamais à un de ces légers crayons du XVIe siècle qu'elle lui rappelait toujours. « Vraiment, qu'est-ce qui me ressemble, le chalet ou le Cristallo ? Ma foi, c'est l'un et l'autre, et c'est le piquant de l'affaire. Et je ne vous fais pas l'effet d'être un peu trop lointaine ? Non, c'est d'abord un peu haut et un peu imposant, et puis, quand on y est, c'est une petite chose gracieuse, riante et qui ne fait plus peur du tout. » Elle soupira et sourit. « Allons, tant mieux, mais je préfère la fin du tableau. Je ne me sens pas du tout la vocation de pique. J'aime mieux être un gentil balcon au soleil. Cela n'empêche pas qu'on y est très bien pour contempler le pic. Voilà ce qui me manquait depuis des années, la vue qu'on a d'où vous êtes. Puis, ce furent les souvenirs évoqués, les questions qui se pressent en foule. Il tâchait de renouer les fils de l'écheveau, de reconstruire et de mettre en commun leurs 5 années de séparation. Boyne commençait à sentir qu'il situait de nouveau son ami dans sa vie et qu'il avait repris lui-même sa place dans la sienne. De sa vieille passion, il n'avait encore soufflé mot. Autrefois, c'était elle qui avait imposé cette règle à leur amour. À force de volonté, elle avait maintenu leur liaison dans les bornes de la stricte amitié, et c'est lui, à présent, qui trouvait plus commode de s'en tenir au ton de leurs rapports accoutumés. Pourquoi ? Ce n'était ni le doute ni la timidité qu'il retenait, et de ses sentiments à elle, il était parfaitement sûr. Non, c'était le bien-être de la situation présente. Il préférait n'y pas toucher. Dans le cours de sa vie nomade, il avait rencontré assez d'amour facile. Il avait presque besoin de sentir qu'il y avait une femme au monde à qui il n'était pas pressé de faire sa cour. C'est elle qui avait voulu n'être pour lui qu'une amie parfaite. Cette fiction avait coûté cher. Il ne voulait pas déranger les traits de cette image. Ah, s'il avait soupçonné quelque rivalité sous roche, c'eût été autre chose. Il n'aurait pas perdu une minute pour brusquer sa demande. Mais en remontant avec elle le cours de son passé, il acquérait la certitude que c'était pour lui qu'elle s'était gardée dans ce long hivernage qu'avait été son mariage. Cette constatation rassurait son amour-propre viril, mais sans avoir le don de l'exciter beaucoup, tout en repoussant loin de lui l'idée que son ami cessait d'être désirable en cessant d'être inaccessible. Il la trouvait même rajeunie, plus jolie qu'au moment de leur séparation. Elle trouvait le moyen de changer toujours à son avantage, et il eut bientôt fait d'écarter comme une vieille photographie ses souvenirs d'autrefois, épaisses nattes châtain argenté et jupes longues drapées jusqu'aux pieds, pour les remplacer par l'image de la femme nouvelle, les cheveux coiffés courts et rajeunis par ses jupes courtes. C'était un véritable renouveau. Il la trouvait 1000 fois plus souple et plus intelligente qu'il n'avait pu le soupçonner quand leur rapport se trouvait raidi par sa propre passion et par la résistance que son ami lui opposait. Elle ne résistait plus maintenant, et sa grande passion à lui s'était calmée. C'était parfait. Ils sortaient ensemble tous les jours, quelquefois ils louaient une auto qu'ils quittaient en plein champ pour grimper quelque part. Mais ils ne pouvaient faire des folies tous les jours, et ils ne le regrettaient pas. D'ordinaire, ils partaient à pied, armés d'un bâton et sac au dos, pour rentrer seulement à l'heure où les cimes jetaient leur dernier feu au-dessus des ombres de la vallée. Rose était infatigable et tirait quelque orgueil de son pas élastique et de ses muscles résistants. Elle adorait les merveilles naturelles dont le détail délicat ne se révèle qu'aux promeneurs qui daignent marcher à pied. Une tige de colchique ou d'orchidée qui perce à travers le feutre des aiguilles de pin, l'allégresse des eaux courantes, les petites feuilles parfumées qui s'étirent, un froufrou d'ailes dans une haie, et cette pulsation continue de l'eau, du vent, des herbes qui est le pouls de la forêt. Il y avait des années que Boyne n'avait eu le loisir de se promener en montagne sans faire des calculs d'ingénieur et sans méditer un aqueduc ou un chemin de fer. Les promenades avec Rose lui ouvraient les yeux à des beautés nouvelles. Ce qu'il y avait encore de mieux, c'était les soirées. Le premier soir, la pleine lune les fit s'attarder très longtemps sur le balcon. Ce fut dans une sorte d'ivresse qu'il revint à travers bois jusqu'à l'hôtel. Puis, ils eurent des nuits sans lune, suivies d'autres nuits fraîches ou nuageuses. Alors, ils restaient près du feu et causaient à n'en plus finir en feuilletant des livres et des revues. Pour un voyageur ballotté à travers tant de décors changeants et la cervelle brouillée par tant de paysages, c'était le bonheur d'apercevoir devant lui une éternité de soirs pareils sous la lampe, près d'un feu mourant, avec des journaux épars de tous côtés et en face de lui, cette jolie tête penchant sa masse d'argent châtain sur un livre à l'autre coin de la cheminée. Et ses livres, elle avait toujours sous la main justement celui qu'il désirait. Quel attrait pour un homme sans foyer. Une fois, en prenant un volume dont ils venaient de parler ensemble, Boyne se rappela une petite phrase songeuse de Judith, qui lui demandait de lui prêter des livres. De quel repli de la mémoire sortait ce souvenir et jusqu'au son douloureux de la voix de la jeune fille? et il s'aperçut tout à coup que depuis plusieurs jours, il n'avait plus pensé à ses petits amis. C'est qu'il avait eu tant à faire à échanger des souvenirs avec Madame Sellers. Et il lui restait encore tant de chemin à parcourir. Quant à Rose, elle semblait avoir oublié la petite famille dont son vieil ami lui faisait dans ses lettres une peinture amusée. Brusquement, il sentit comme une vive douleur le contraste de ces deux existences de femme. La vie calme et harmonieuse de Madame Sellers, qui lui rappelait toujours le beau mot de Milton, « Combien tu es charmante, ô divine philosophie !» et les chaotiques épreuves de la pauvre enfant qui avait rejeté dans l'ombre pendant quelques jours cette calme et suave image. Ah, la vie de bohème et ceux qui l'amenaient, quelle vulgarité, quel mauvais goût, quelle vilainie et quelle misère, malgré tout son clinquant et son bluff. Boyne aurait écarté ces images avec dégoût sans la petite plainte qui l'appelait du fond de ce marécage. Il soupira en refermant le livre qu'il venait d'ouvrir. Madame Sellers, qui écrivait de l'autre côté de la table, releva la tête et leurs regards se rencontrèrent. « À quoi pensiez-vous, cher ami ?» Il eut un petit mouvement de défense, le premier depuis son retour. S'expliquer ? Mais comprendrait-elle ? Et si elle comprend, ne va-t-elle pas se moquer ? Il n'osa pas risquer une réponse et se déroba. « C'est de vous voir écrire, » dit-il. « Cela me fait penser que j'ai des masses de lettres en retard. » « Eh bien, voici l'encrier. » « Partageons. » Et elle fit le geste de pousser l'encrier au milieu de la table. « Ma foi, non, la nuit est trop belle. Jetez un manteau sur vos épaules et asseyons-nous sur le balcon. » Elle le suivit des yeux, la plume suspendue au-dessus de son papier. « Mais il n'y a pas de lune. » « Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de lune. »